sentiment d'inachevé, éternel accompli, j'ai toujours fait passer ton bien-être, bonheur avant les miens. Regarde-moi maintenant. Ama, Amser, nous nous sommes liés. Son innocence m'a redonné la légèreté. De mon adolescence passée, Wana ya Marie, Wana kini baby. Et je me suis paix à paix, un prix d'un ange qui ne venait pas des cieux. Car je l'ai laissé se blottir contre moi, je l'aurais protégé contre vents et marées. Sans me douter qu'elle glissait après mes doigts, rien n'est simple en amour. Changer ma tête, ni n'yango boyo, a préféré Tosilana. Ce matin s'annonce bien, les oiseaux chantent bien que tu sois parti. Et ton rire dans les nuages s'est envolé, mais qu'à côté que l'angan d'un bois souvenir. De temps en temps, à ta namosika, Tolinganaka toujours kakanganaye. Car je l'ai laissé se blottir contre moi, je fais le deuil sans pouvoir. Comme le soleil qui m'a ébloui la ciel, les fois me brûlent. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi maintenant.